dissimule. Peu de choses s'en prennent, le reste s'assimile. Non, je suis pas de la partie, non, lui n'était pas. En vrai, je suis déjà parti, mais pas de la même ligne de départ. Asségé, assez brûlé de cierge, le visage léger. Asségé, on ne s'assoit pas sur le siège d'une ville assiégée. Je trie pas le cash, les sachets, je traîne pas là où les cachets s'achètent. La mienne démarre là où leur sagesse s'achève. Non, non, je suis pas messager, je suis qu'un otage, mais sachez que ça seul cache, c'est sa chair. Rêve de sa cage, lui met un tâche et sa gêne.